60s, mai 58, mai 68, du retour musclé au pouvoir du général de Gaulle aux barricades de pavés qui ne laissèrent jamais voir la plage, une décennie prodigieuse, les années 60. Johnny Hallyday, Gary Livingston et Brenda Lee font partie de cette décennie riche en communications diverses et dialogues humains. Salut les 60, bienvenue sur Radio Dionoso. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenir, des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. Que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Funniest sound I ever heard, and I can't understand the singing word. Is he serious or is he playing? Oh, mama, is all he saying? Papa, the 60s, this was a smash. Pas désolé, mais plutôt ravi de vous présenter le sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale. Il y aura nos trois matchs. Nous évoquerons également le 8 parade de mars 1964. Et notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui à Chuck Berry. Merci à vous de nous écouter. Excellent après-midi sur Radio Guémozo. Excellent après-midi en notre compagnie. De Gaulle et le président italien Saragat inaugurent le tunnel routier sous le Mont Blanc. Les femmes sont à l'honneur avec Dim Dam Dom à la télé. Et les égéries de Louis Malle, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau triomphent au cinéma dans Viva Maria. Vous avez pas vu Mirza. Les Français découvrent l'alco-test grâce aux agents de police. Où est-on passé ce chien? L'américain Ed White sur Gemini 4 marche dans l'espace pendant 20 minutes en étant relié à un simple cordon. La censure s'exerce sur l'album Barbarella de Jean-Claude Forest. Michael Caine excelle dans Danger Immédiat. Yves Saint-Martin gagne le Grand Prix de Paris. Deux monstres sacrés du cinéma d'épouvante, Peter Cushing et Boris Karloff, continuent à remplir nos cœurs d'effroi. À Washington, en face de la Maison Blanche, surgissent les premières manifestations contre la guerre du Vietnam. Le Renaudot est attribué à Georges Perec. Le Sirtaki est omniprésent. Et Belmondo incarne Pierrot, le fou. Les enfants du siècle sont tous un peu fous. Mais le cliquetis de la machine à sous couvrira cette voix qui dit à tort à raison. Vilaine fille, mauvais garçon. Couvrira cette voix qui dit à tort à raison. Vilaine fille, mauvais garçon. Garçon, mais dans une chanteuse d'une grande gentillesse, Petula Clark est née en 1932 à Epsom, là où se court le fameux derby bien connu des Torfest. Ceci étant dit, prenez votre passeport, votre brosse à dents, je vous emmène à Central Park en compagnie d'Eric Saint-Laurent. M'a montré un enfant russe qui descendait de la montagne. Au parc de Central Park, un régiment de fleurs est sorti en chantant de la télévision en couleur. D'importance, tout ce rêve étrange vient de mon enfance. Central Park, il y a toujours un policeman à Central Park, des enfants qui s'amusent aux soldats. Mais toi, je sais que tu ne viendras pas. Central Park, les petits musiciens assis sur un tourniquet ont joué du cor anglais. Au parc de Central Park, une petite fille, des rubans dans les cheveux, des bordets, des bonbons, des yeux. Ah, que ce rêve étrange vient de mon enfance. Pas d'importance, tout serait étrange, vient de mon enfance. Oh, il y a toujours un policeman à son travail, des musiciens qui s'amusent au soldat, des petites filles qui jouent du corps en guerre. Je sais que toi, tu ne verras jamais. Non, non, non, non, non. Voilà, vous avez la confirmation, Salut les 60, une émission qui décoiffe sur Radio Gémozo. Retour à l'année 65, une année qui voit la naissance d'Emmanuel Béart, de Guy Forget, le 4 janvier de Stéphanie de Monaco, le 1er février, naissance également d'un duo et d'un tube, le duo Sonny & Cher, le tube Agadubé. Une très belle année, d'ailleurs nous y resterons hein, dans cette année 65 avec Ronnie Bird, de son vrai nom Ronald Mehu. Il est né le 24 avril 1946. Ronnie Bird a droit dans Disco Revue à sa fiche signalétique avec en accroche le slogan suivant: voici enfin le chanteur dont on peut dire qu'il sera la révélation pour 1965. Dès janvier, je ne mens pas, se classe 3e au hit-parade du Golfe de Roux et 29e du goût des lecteurs de Disco Revue. Le magazine Salut les copains, un peu concurrent avec Disco Revue, lui consacre un article après son passage à l'Olympia en première partie d'un musicorama de Chuck Berry. Chuck Berry que nous retrouverons, je vous l'ai annoncé en début d'émission, dans le coin du spécialiste. Je ne mens pas, Ronnie Bird non plus. Bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Viens bouffer, viens danser le twist. Viens bouffer, viens danser le twist. Tourne ton état du pied, ma robe bouffée. Oh ma main, tu petit matin, prends ma main, jusqu'au petit matin, tourne ton état du pied, ma robe que vous faites, et ton père, n'aime pas le twist, non, non, non, ta mère, en est toute triste. Tourne ton état du pied, ma robe, je peux vous faire. Je peux vous faire. Ah, oh, viens vous faire. Viens lancer le twist. Viens vous faire. Viens danser le twist. Et toute la nuit tu vas danser. Mara, je peux vous faire. Thank you. chaussettes noires, le twist sont opposés pour ce premier match à la version originale interprétée par Chubby Checker. Adaptation donc aux versions originales. Allez, sur Radio Gamozo, c'est à vous de choisir. Fan des chaussettes noires, c'est plutôt difficile de choisir entre l'adaptation ou la version originale, étant donné que, en ce qui concerne l'adaptation, eh bien, elle a été signée Claude Moine, et en général, la marque de Claude Moine, alias Eddie Mitchell, des chaussettes noires, eh bien, ça laissait une trace. Donc, vous avez fait malgré tout votre choix, eh bien voilà. Ben, c'est parfait, dans quelques minutes, sur Radio Gamozo, nous évoquerons le hit parade de mars 1964. Excellente après-midi, merci de nous accompagner. Of the sea, yeah. wait for me. I'll be coming home, wait for me. Le twist, le Madison, le match potatoes, le houli-gouli et le surf, Albert Esner tente dans son émission Achetendre et Tête de Bois de lancer une nouvelle danse, le snap. Les Beatles sont en couverture du célèbre hebdomadaire américain Newsweek pour le lancement de Can't Buy Me Love, leur nouveau numéro 1 mondial. Mais au mois de mars 1964, ils ne sont en France que 30e avec le Rollover Beethoven de Chuck Berry. Play. Roll over, beat open, got Les Beatles, Love Beethoven, ils étaient 30e. Après son passage et son triomphe en février dernier, Johnny Hallyday a fait ses adieux à son public au cours d'une longue tournée française avant de partir effectuer son service militaire en Allemagne. Ceci, ça se passait donc au mois d'avril. Par contre, en ce mois de mars 64, dis-lui que j'en rêve, son nouveau titre, eh bien lui, il rentre à la 20e place du hit parade. Merci à Johnny. La tournée, tout comme son passage à l'Olympia que Claude François effectue avec les Gams et le Petit Prince, l'ont définitivement consacré comme l'une des grandes vedettes de la chanson de rythme en France. Et son titre, Petite Mèche de Cheveux, se classe à la 17e place du hit parade de mai 64. Si tu m'aimes, donne-moi une petite mèche de tes cheveux, une petite mèche de tes cheveux. Si tu m'aimes, je serai. Si tu m'aimes, allez, si tout faire en chantant. J'aime ta couleur café. Les sœurs Guachel, Marie et Christine, trustent les victoires. Ta gorge. Le Nouvel Observateur sort son premier numéro. Quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. En URSS, Nikita Khrouchtchev est limogé. Kinex, blanc ou rose, rend 1000 services dans la vie courante. Kinex. Angélique, marquise des anges, est incarnée par Michel Mercier. Et Ian Fleming, l'inventeur de James Bond, disparaît. Aux USA, Lyndon Baines Johnson est élu président. Et les Rolling Stones sont plébiscités par les petites anglaises. À New York, le pont de Brooklyn, le Brooklyn Bridge, est spectaculaire. Le caprice du Dieu s'annexe les anges. Sous le balcon. Simcassor la 1300 et la 1500. Oh. Et Chamex change la vie des ménagères. Lop Art envahit la mode. James Bond, dans Bon Baiser de Russie, envahit le monde. Ça sert de chercher à comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit. À quoi ça sert de chercher à comprendre quand c'est fini, c'est fini. Quand le soleil se lèvera demain, je serai déjà loin, très loin. Il faut se quitter en chemin. Je n'y pense plus, tout est bien. À quoi ça sert de chercher la lumière quand il n'y a rien à voir? À quoi ça sert de chercher la lumière? Je veux rester dans le noir. De toujours essayer de me dire ce que tu n'as jamais su me dire. Quand nous marchions main dans la main, je n'y pense plus, tout est bien. Moi j'ai choisi la route solitaire, pareil à celle du vent. Moi j'ai choisi la route solitaire qui va là-bas loin devant. Mais je voudrais qu'on se quitte bons amis. Tu aurais pu faire mieux, ma foi tant pis. Le temps qu'on a passé c'était pour rien. Je n'y pense plus, tout est bien. Ça sert de verser tant de larmes, ce sont des larmes perdues. À quoi ça sert de verser tant de larmes? Je ne t'entends déjà plus. Sur mon chemin, le souvenir m'attend. On m'avait dit de toi, c'est une enfant. J'allais perdre mon âme dans tes mains. Mais n'y pense plus, tout est bien. Il est 9e, Hugo Frey, n'y pense plus, tout est bien. 45%, c'est le nouveau record d'abstention aux élections cantonales en France. En ce mois de mars 1964, il a fait le plein de voix auprès des auditeurs de Salut les copains, lui, puisque Richard Anthony classe, à présent tu peux t'en aller, à la 6e place du hit parade. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu. On ne va pas vous mentir, elle est la plus belle pour aller danser. Elle est numéro 1 en 8 parade de mars 1964. Sylvie Vartan était également l'objet d'une affiche géante publiée sous forme de numéro hors série dans Salut les copains. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour à mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que le soir la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul. Thank you. Après les Rolling Stones et la reprise du tube, de Bodilé et Mona, Radio Gémozo vous offre la version française du Love Me Do des Beatles avec Dick Rivers. J'en suis fou. J'en suis fou, oh, j'en suis fou. Tous les jaloux me crient à ce coup. Mais que voulez-vous, cette fille? Oh, j'en suis fou, oh, j'en suis fou. Même si son cœur fou. J'en suis fou. Nous voici arrivés aux choses tout à fait sérieuses. D'ailleurs, Salut les 60, c'est une émission tout à fait sérieuse également. Dans la nuit du 9 au 10 mai 1968, 60 barricades se dressent dans Paris, dont certaines hautes de 3 mètres. Le 10 mai à 2h15, les CRS et les gardes mobiles chargent rue Gay-Lussac. Au matin, on compte 720 blessés légers, 367 graves, dont 251 policiers et plus de 80 voitures brûlées. Tandis que sur les ondes des radios périphériques, eh bien, virevolte l'alouette de Gilles Dru juste entre les pavés. À Radio Guimauzo, 8 places de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à soupir à ce jeu. Je ne joue pas, je n'aime pas cette opéra de quatre soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne couperai qu'en souffrant. On ne gagne que des gros soupirs à vouloir tant à sourire. Tout ce jeu ne sait quoi là. Mal en soi, qui nous fait prendre à tous nos soupirs. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrais qu'en rougir. Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire que ce qui pour moi soupire. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu m'aimes pas. Je perds le sommeil et le sourire. Et ne pourrait qu'en mourir. Brigitte Bardot, l'appareil à soupir. D'ailleurs, on ne peut pas dire que Brigitte Bardot n'ait pas fait soupirer les hommes dans les années 60. Non, non, non, c'est faux ça. Personne n'a soupiré devant Brigitte Bardot. C'était notre sexe symbole à nous, c'est tout. Serge Gainsbourg a signé le titre de ses paroles sur Radio Gémozo. Maintenant, la musique s'écoute en deux versions. Avec d'abord la version française, avec le petit Gonzalez des champions. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that Lucy Lane Flo. Come on home to your adobe and splat some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coke. The enchilada's in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Oh, Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick! Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Après la version originale de Pat Boone, eh bien, je vous propose tout simplement de retrouver la version française, cette fois-ci interprétée par les champions. Si tu n'as pas fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. petit Gonzales. Quoi? Je t'en prie, reviens. Je ne peux pas. Le petit Gonzales. Quoi? Pourquoi t'en vas-tu si loin? Radio, pour les brancher avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Lorsque j'étais enfant, tout en écoutant le vent, je partais en rêvant. Du gâti sans cœur. Je vais au bas le vent, jamais je ne m'en défends, toute ma vie d'avant. Pourtant le vent du soir souvent me parle d'espoir, et quand j'ose le croire, alors mon cœur devient mort. Qu'il vienne enfin cet amant, lui qui pourrait faire du vent le beau tourment de l'amour. Forêt, Cathy Cruel, rocker, au cœur tendre, Richie Valens, Vivi Long, Together. You're mine, and we belong together. Yes, we belong together. Oh, Adieu le porte Jartel et les bas. En juillet 1964, les premiers collants furent commercialisés sous le nom de mitoufle. Oui, mesdames, j'espère que aujourd'hui vous avez enlevé vos mitoufles parce que le temps s'est réchauffé un petit peu. En cette année 64, un tambour bat l'amour sur les ondes radio. Vous pouviez entendre le nouveau titre de Larry Gréco. Après les Gams, My Bop, Lollipop, vous retrouverez le coin du spécialiste. Allez, cette rubrique sera consacrée aujourd'hui à Chuck Berry, l'un des pionniers du rock'n'roll outre-Atlantique. Oh, c'est toi, à mon idole. Oh, c'est toi qui fais battre mon cœur. Oh, et bien plus fort que Johnny. Oh, ou Richard Anthony. Oh, je veux te suivre. Moi de toi je suis folle. Je t'aime trop. Et je sais bien oui que j'ai tort. J'en parle trop. Alors tu te sens le plus fort. Oui mais est mon idole. C'est toi qui fais battre mon cœur. Il n'y a plus rien. Je t'aime trop. Et je sais bien oui que j'ai tort. J'en parle trop. Alors tu te sens le plus fort. Oui mais t'es mon idole. C'est toi qui fais battre mon cœur. Toi à seul tu sais me plaire. Et pour la vie entière. Oh, tu resteras mon idole. Charles, Charles Edwards Anderson Berry est né le 18 octobre 1926 à Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Adolescent, il chante dans le chœur de l'église baptiste de son quartier. Puis, grâce aux radios, il commence à s'intéresser à la musique profane de son peuple, à savoir le swing, le boogie-woogie et bien sûr le blues. Entre 1955 et 1961, Chuck Berry a multiplié les succès. Maybelline, All Over Beethoven, Rock'n'Roll Music, Johnny B. Goode, Carol, Memphis Tennessee, Hype Up, etc., etc. Ces tubes vont devenir les hymnes de toute la génération de rock'n'roll. Auteur-compositeur, guitariste surdoué, Chuck Berry, en réalité, a défini un style que devait reprendre l'écrasante majorité des guitaristes, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Tout comme Roy Orbison, Carl Perkins ou Elvis Presley, Chuck Berry, le petit gars de Saint-Louis, fait partie de la légende du rock'n'roll. We were 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling out of Georgia State. We had more trouble than turned into a struggle halfway across Alabama. And that hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Make it to the telephone. Los Angeles, give me Norfolk, Virginia, Tidewater, 1409. Tell the folks back home, this is the promised land, calling and the poor boy's on the line. Trying to get to where she's at. I was campaign shouting like a southern diplomat. Gemozo au cœur de la musique des années 60. Arrested on charges of an unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. A brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man. That won the game, it was a brown-eyed handsome man. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a back. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. And if they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and roll music. Took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgia folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any Don't let him steal your heart away. I'm gonna rythme des années Blue Jim. Salut les 60, c'est avec Gérard sur Radio Guémozo. Et le slow de l'été 1967, Alice. Vous venez de nous rejoindre. Eh bien, merci de votre choix. Dans une poignée de secondes, notre troisième et dernier match. Troisième et dernier match, donc adaptation ou version originale sur Radio Guémozo, c'est à vous de choisir. 1960. Toujours moderne, la France procède aux premiers essais du métro aérien sur rail. L'irrésistible Clark Gable nous quitte. La mayonnaise est en tube. Aux Jeux Olympiques de Rome, Michel Jazzy est médaille d'argent du 1500 mètres. Télé 60, Télé 7 jours sort son premier numéro. La soupe en poudre fait son apparition. Sony sort son téléviseur portable. À Cuba, Castro nationalise toutes les entreprises. Peeping Tom le voyeur démarre sa carrière de film culte. Au Congo, Mobutu fait un coup d'état, Patrice Lumumba est renversé. Les premières pilules contraceptives sont autorisées à la vente aux USA, mais pas encore dans les prises uniques. La samba et la danse des branchés. Simone Signoret remporte un Oscar de meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute-Ville. L'huile Salador, un litre d'huile d'arachide extra pure. Et l'huile est désormais vendue en bouteille plastique. And we'll never part. can be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Bande originale du premier film où apparaît Elvis Presley, un tube de l'année 1956, co-signé par Elvis lui-même. Pour Radio Gamozo, nous aurons Les Charlots et Johnny Hallyday, Les Monts Près du Ciel. J'étais si heureux quand j'étais près d'elle, là-haut sur les monts près du ciel. Jour après jour, je suis revenu l'attendre, en mettant mon cœur à l'armée à cendre. Oh, si tu pouvais être seul aussi, oh, si tu pouvais penser revenir ici. Mais j'ai chaque fois te revois plus belle, là-haut sur les monts près du ciel. Je vois une église et mon cœur se serre. Dans cette église, l'autel est couvert de fleurs. Les cloches qui sonnent cognent dans mon pauvre cœur. Et je pleure seul, mon amour perdu, là-haut sur les monts près du ciel. Radio, pour les brancher avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Je dis n'importe quoi, je fais tout ça qu'on dit. Je m'en fous, je gagne pas mal de la vie. Quand j'irai dans mon Berry natal, je m'achèterai tout plein de cheval. Et je planterai mes choux, pas pour vous, copains et moi. Je dis n'importe quoi, je fais tout ça comme vous. Danse même la bourrée sur les ailes de Johnny. Que vous apporte mes bœufs, je mets les sabots que je veux. Je ferai mes vaches pour moi, pas pour vous, comprenez-moi. Solo, ouais, chauffe Marcel. Ah ouais, c'est bon là. Je dis n'importe quoi, je fais tout ça comme dit. Quand je suis un peu seul, je m'en vais voir la Marie. Je lui trouve son cotillon, elle me fait des gratouillons, elle me les fait à moi, moi vous comprenez-moi. Je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on dit, je dis n'importe quoi, alors vraiment n'importe quoi d'ailleurs, moi je fais tout ce qu'on me dit. D'abord, le primo, c'est de la musique de Picnic. Ça chauffe. Laisse-moi se regarder, les copains. Yeah, yeah. Ça, c'est de la musique. Sauf Marcel. C'était les Charlots, ex-problème et musicien d'Antoine qui sont devenus en parodiant Antoine le groupe humoristique par excellence des années 60. On se retrouve dimanche entre 10h et 12h pour la rediffusion et lundi dès 15h pour une nouvelle émission. Retrouvez également Salut les 60 sur radioguimozo.eu, le tout en minuscule et sans accent, notre adresse internet. Excellente fin de journée, excellente semaine. Merci de nous avoir tenu compagnie. Salut les 60. We'll be right back.